Les petites histoires vous offrent chaque semaine deux histoires à écouter seules ou en famille. On revendique une indépendance totale, mais pour continuer à exister et vous proposer de nouvelles histoires, nous avons choisi d'accueillir des sponsors que nous avons soigneusement sélectionnés. C'est la condition pour que vous puissiez écouter ce podcast gratuitement, et nous sommes sûrs que vous comprenez. Avant d'écouter votre épisode, je voulais vous parler de l'histoire inédite d'Enzo, Paloma et de leur chien Pipo. Un jour, ils décident de prendre un livre, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. En un instant, par la magie de la lecture, les voilà plongés dans une incroyable aventure aux côtés de D'Artagnan, le héros du livre. C'est drôle, plein d'action, et merveilleusement illustré par Lespelli. L'histoire a été écrite par Catherine Pancol, un grand écrivain qui n'a pas son pareil pour vous plonger dans de belles aventures. Mais le plus chouette, c'est qu'elle a écrit toute une collection à retrouver chaque mois dans le Happy Meal de McDonald's. Mais pourquoi est-ce que je vous parle du Happy Meal? Laissez-moi vous expliquer. D'abord, avec McDonald's France, on partage la même envie de vous offrir de chouettes histoires. Ensuite, leurs livres sont super bien faits, et ils ont toute leur place dans une bibliothèque. Enfin, c'est une bonne occasion de se retrouver en famille autour d'un joli moment de lecture. Merci à McDonald's France pour son soutien. Durée limitée, voir le livre du moment au restaurant, un livre ou un jouet par Happy Meal. Les petites histoires de Telmi. Les petites histoires de Telmi. Pour cette histoire, mélangez des produits ménagers, des parents maniaques, une maison hantée et vous obtiendrez l'enfer du ménage. Mes parents sont des sorciers de la propreté. Ils préparent eux-mêmes leurs produits ménagers et passent leur temps à tout nettoyer. Et ça ne me va pas du tout. J'en ai même super marre. Parce que moi, je rêve de vivre dans une maison hantée avec des araignées et tout. Je leur dis, mais ils rient. Pour eux, c'est juste une drôle d'envie d'enfant qui passera. Sauf que non. Je veux vraiment une maison pleine de secrets et d'aventures. Alors pendant des jours, je recueille des tas d'insectes dans le jardin. Et puis un soir, pendant que les parents dorment, après avoir libéré mes protégés, je fais le ménage dans leur placard à propreté. Leurs précieuses bouteilles, vidées. Les brosses, éponges, serpillères et balais, envolées. L'aspirateur, saboté. Je sors son sac gonflé, saute dessus et d'un coup, une pluie de poussière recouvre tout. J'explose de joie jusqu'à ce que la lumière s'allume.